700 tonnes à l'arrière-caisse sans fusil. On trafique plus pour la gloire, nique les saisies. On refuse de se faire croire. Une livraison qui tourne mal, ça sent le meurtre et la revanche. Mon négro, t'as de la rabla sur le phalange. La banlieue parisienne, sur tes côtes, on fait du sale pour solder notre honte. Soir ce, les tonnerres grondent. Quand Franck le casse, je me tiens à l'écart de vos trafics. Renoir, tous mes affaires au calme. La matière dans le plastique. Campuché, j'en ai tout faire pour un casse. 2010, je passe à l'attaque. Les Youvois se donnent un spectacle. Le Zay ramène les buts. La Rez ramène le casse-pipe. Mon équipe fait pas la fiche de chien, pas principe. Les mange-mères se la racontent. Dans ce milieu de stripteaseuses, les vrais rap, les suceuses, chères tipeuses. On est des terres sans le pécan en roue arrière. Warriors 9-3, on fait jamais marche arrière. Avec l'attitude, c'est le budget. Perdu 92, 93, à message. Au Signama, à Nancy, Despo Roots. Télécharge et trash, puis fais le péter. Par pour tous. Avec l'attitude, c'est le budget. Perdu 92, 93, à message. Au Signama, à Nancy, Despo Roots. Télécharge et trash, puis fais le péter. Par Bluetooth. Ok, là j'ai la taille, n'est pas un critère important. À moins de 18 ans, peut te tirer dessus à bout portant. Sortez le couvert, car la mort est omniprésente. Le rap hardcore est de retour, je le certifie par notre présence. On présente pour ici, PSP jusqu'à Blanqui. Niama, mes rimes sont trop sales pour être blanchies. Nique sa mère les sentiments, plus tu penses, plus t'en chies. Négro, la vérité ne se cache pas au bout de ton chie. 2011, sous les ondes, y'a plus rien qui m'étonne. Y'a trop d'écrou, car les cafous ont dépassé les bords. Niama, le sang m'en huitzo, toujours en mode Sahel. Je levais tôt pour se faire des thunes, cousin, y'a ça qu'on aime. Vos clashs et vos compètes, nous, on en a rien à cirer. Si nos shoes sont sales, pas grave, ta tasse viendra les cirer. Je te baise avec ces vérité, même si t'as la chasse et la faucheuse a fait les quatre sans coup. Comment veux-tu que je sois sérieux? Avec l'attitude, c'est le budget. Perdu 92, 93, à message. Au Signama, à Nancy, Despo Roots. Télécharge et trash pour faire le péter. Par produce. Avec l'attitude, c'est le budget. Perdu 92, 93, à message. Au Signama, à Nancy, Despo Roots. Télécharge et trash pour faire le péter. Rap le blues. Story Alp, putain 98 is dead. Sur un coup de texte, tu flippes d'aucune grosse tête. Sur beat, je suis humble, mais déterre. La patate de net, va être pas le pas lifté. J'ai le buzz comme si je m'étais fait séquestrer par un ivoirien dans le 9-2. Cache tes faiblesses avant que tes propres frères te la mettra. Et le nouveau penchant sexuel est né, le mot oseille, street incest. Crois pas que tu pèses la terre entière en missionnaire en tapant des pompes. Parce que le coup de rein, c'est à peu près le même geste. Arrêtez, c'est un classique puissant de lâche. La la la la la, the next episode. Tu trouveras plus pas que Route Zone. Quand tu sauras retrouver des putains de proxo, puceau, impossible. Je revendique, mais au fond, je sais même pas si je tiens vraiment à faire tomber le système. Tu sais, j'ai peut-être intérêt à le voir perdurer pour pouvoir le rançonner comme Charlie Power. On dit qu'avec l'attitude, c'est lui tu perdu. 92, 93, à message. Au Signama, à Nancy, Despo Roots. Télécharge et trash, puis fais le péter. Par produce. Avec l'attitude, c'est le budget. Perdu 92, 93, à message. Au Signama, à Nancy, Despo Roots. Télécharge et trash, puis fais le péter. Par produce.